rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Le Toreros, je veux s'entendre, pour plaisir, ils ont les compas. Le cirque est plein, ces jours de fête, le cirque est plein d'idiotes. Les spectateurs, elles vont la tête, les spectateurs s'interpellent par un braquet. Apostrophe, grisez ta page, poussez jusqu'à la fureur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête de gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, oh, toréador, en garde, toréador, toréador, et songe bien, oui, songe un combaton, par les noirs de regard, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour. On fait silence, ah, que se passe-t-il? De cris célestant, les taureaux s'élancent en bondissant, oh, du goril. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Oh, bravo taureau, tire-le la poule, le taureau va, eh bien, eh bien, Erbanda, c'est quoi? C'est pas de rire, plein de fureur, il court, le cirque plein de sang. On s'essaie, on franchit la grille, c'est un tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons, oh, toréador. Songe un combaton par les noirs de regard et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.